بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، on continue إن شاء الله تعالى nos cours de fiqh basés sur ce livre Manhaj al-Salikin écrit par l'imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et nous avons terminé la semaine dernière le chapitre concernant l'essuyage sur les chaussons, sur les chaussettes, lors des ablutions. Ensuite, l'auteur mentionne « Babu nawaqid al-wudu », un chapitre concernant les annulatifs des ablutions. Yani, qu'est-ce qui annule les ablutions ?« Wa hiya al-khariju min al-sabilayn mutlaqan » Donc il va les énumérer. Il va les énumérer à la fin de son énumération. Il va mentionner quelques adillah, quelques preuves. Et nous, on va expliquer bi'idhnillah. Donc, première chose qui annule les ablutions, comme aucun de vous n'est censé ignorer, tout ce qui sort des deux orifices, de manière totale. D'accord ? Ay, kullu ma yakhruj min as-sabilayn, yani min ad-dubur, aw min al-qubul. Tout ce qui sort donc des deux orifices, que ce soit les parties intimes, devant ou derrière. فَهُوَ يَنْخُدُ الْوُدُوء لِأَنَّ خَالِجَ مِنَ السَّبِلَيْنِ عَلَى قِسْمَيْنِ. Il faut savoir, mes frères, que ce qui sort des deux orifices, on peut diviser en deux catégories. Ce qui sort des parties intimes, que ce soit devant ou derrière, il y a, akramakumullah, on peut les catégoriser en deux. On peut les classifier en deux catégories. Al-awwal, al-qism al-awwal, mu'tadun, yani ma'rouf, al-bawl, wal-gha'id, wal-fusa', wal-dirat, wal-istihada, wal-madhi, والمني والودي. Le premier, ce qu'on appelle mu'tad, yani c'est ce qui est naturel, ce qui est normal que ça sort des deux orifices, comme akramakumullah, les excréments, comme l'urine, comme les gaz, akramakumullah, comme al-istihada, le sang de la métrorragie pour les femmes, comme le madhi. Le madhi, on a dit, c'est ce liquide qui sort de l'homme ou de la femme lorsqu'il y a une excitation. Un liquide qui est transparent et qui est gluant. On appelle ça madhi. En français, ils le traduisent par le liquide pré-spermatique. Et le mani. Le mani, c'est le sperme de l'homme ou de la femme. Ce liquide blanc, épais, qui sort de l'homme ou de la femme. El wadi, c'est quoi on avait dit? On avait dit c'est un liquide blanc qui sort après l'urine des fois. Tout ceci, toutes ces choses qui sortent des orifices, akramakumullah, c'est des choses qui sont normales, dans la mesure où sont normales, qui sortent de cet endroit-là. Ça, c'est le premier. La première catégorie, wala khilaf fi hadha. Il n'y a pas de divergence chez les savants pour dire que ça annule les ablutions. Si toutes ces choses sortent d'un des deux orifices, ça annule les ablutions. Thaniyan, wal qism athani ghayr mu'tad. Mathalan, yakhruj hajar min ad-dubur aw yakhruj dam min al-qubul. فاختلف العلماء. Deuxième catégorie, c'est ce qui sort des deux orifices, mais qui n'est pas censé sortir des deux orifices. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose de normal. Comme quoi, des pierres. Des fois, certaines personnes, ils ont des petites pierres qui sortent lorsqu'ils vont faire leurs besoins, akramakum Allah. Ou alors, lorsque tu veux pour uriner, il y a du sang qui sort. Le sang, ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose qui est censé sortir des deux orifices. Yani quand tu veux uriner. Et autres, des fois il y a chez certaines personnes, qu'Allah nous en préserve tous, des petits vers, des vers qui sortent. Akramakum Allah. Donc, concernant cette catégorie, là les savants ont divergé. Est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Si j'ai des petites pierres qui sortent de un des deux orifices. Et ça, des fois, ça arrive aux personnes qui ont des calculs rénaux. Est-ce que ça annule les ablutions ou pas? فَالطَّائِفَ تَرَى أَنْ لَا يَنْقُضُ الْوُدُوءُ وَيَقُولُونَ هَذَا غَيْرُ مُعْتَادٍ وَهَذَا لَيْسَ النَّجَاسَ. Il y a un groupe de savants qui dit non, ça annule pas les ablutions. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas normal, c'est pas quelque chose qui arrive normalement. C'est qu'il y a un problème. Et ce n'est pas des impuretés en eux-mêmes. Les pierres qui sortent, qui peuvent sortir, ce n'est pas impur en lui-même. Car vous aurez remarqué que dans la première catégorie, les choses qui sortent, c'est les choses qui sont impures. Excepté quoi? Le mani. Le sperme, on avait dit qu'il y avait une divergence. On avait parlé ça dans nos cours précédemment, qu'il y avait une divergence sur le mani. Est-ce qu'il est pur ou impur? Et on avait dit que l'avis le plus sûr parmi les avis des savants de l'islam, c'est qu'il était pur. On a cité comme preuve quoi? Que l'être humain a été créé à partir du mani. Comment l'être humain aurait pu être créé à partir d'une impureté? Et autre parmi les preuves où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait à la mosquée, comme nous dit notre mère Aïcha, il y avait encore des traces de mani sur ses habits. Al-Muhim. Wa ta'ifa ترى أن هذا من نواقض الوضوء وهذا مذهب المؤلف بقوله مطلقا أي سواء كان معتادا أو غير معتاد. Et une autre catégorie de ou un autre groupe de savants disent non, ça annule les ablutions. Si des pierres, du sang ou des vers, n'importe quoi qui n'est pas normal, qui sort des deux orifices, ça annule les ablutions. Pourquoi? Parce qu'il ils disent, ils disent que ça annule les ablutions, et ça c'est la parole de l'auteur. L'auteur, quand il dit tout ce qui sort des deux orifices, elle est de manière totale. D'accord? Et wa huwa as-sawab li anna khalij fil ghalib la yakhruj illa wa huwa mut'alliq bi shay'in min an-najasa fa yaghsil al-mahal wa yatawadda. Et c'est ce qui apparaît être l'avis le plus sûr, Wallahu ta'ala a'lam, c'est que quoi qu'il sorte des deux orifices, j'espère que vous avez bien compris ce qu'on parle lorsqu'on mentionne les deux orifices, quoi qu'il peut sortir, ça annule les ablutions. Car ça, pourquoi ça sort? Ça sort parce que le corps le rejette. Parce qu'il est impur pour le corps. Et donc, on nettoie les parties et on fait les ablutions. والله تعالى أعلم. ثانيا والدم الكثير ونهوه. Deuxième chose qui annule les ablutions selon l'auteur du livre, le sang en grande quantité. Le sang en grande quantité. Encore une fois ici mes frères, les savants de l'islam ont divergé. Ont divergé sur si le sang sort du corps en grande quantité. Est-ce que ça annule les ablutions, oui ou non? On avait vu, si vous vous rappelez, mes frères, pour ceux qui étaient là, que les savants ont divergé sur est-ce que le sang est impur ou non. On avait dit, quel était le sang impur? Ça représente quoi? Le sang qui gicle, qui sort en grande quantité et qui gicle. Comme par exemple quand quand tu égorges ou sacrifies une bête. T'as vu, vous voyez le sang qui gicle, ce sang est impur. Minas al-Qur'an. Selon le Qur'an, comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné, on l'a expliqué dans les cours. Ici, est-ce que si le sang sort en grande quantité de ton corps, est-ce que tu dois refaire les ablutions, oui ou non? On va mentionner la parole de Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui dit « In kana ad-dam yasiran kal jarahat al-yasira fal wudu la yubtin wa wudu'uhu sahih » Il nous dit Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, si le sang qui sort du corps est en faible quantité, comme une petite blessure, une petite coupure, hein, tu saignes un peu du nez par exemple, hein, ou tu as un peu de sang qui sort de l'oreille, et tu t'es écorché, etc. Alors ça n'annule pas les ablutions. Tes ablutions sont toujours valides. Amma in kana ad-dam kathiran fakhtalafa al-ulama. Mais s'il y a beaucoup de sang, hein, qu'Allah vous préserve tous, mes frères, mais hein, quelque chose te coupe, hein, une entaille très profonde, et le sang coule en profusion. Là, les savants ont divergé. Minhum man ra'ahu yubtil al-wudu wa minhum man ra'a annahu la yubtil al-wudu. Certains ont dit que ça annule les ablutions. Hein? Certains ont dit que cela annule les ablutions parce qu'ils disent que le sang en grande quantité, il est impur. Et donc s'il sort de ton corps, ça annule les ablutions, parce que toute impureté qui sort de ton corps annule les ablutions. Et il se base aussi sur certains hadiths, sur certains hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres disent non, ça n'annule pas les ablutions. Et le shir, il dit يعني الأحاديث ذلك ليست صريحة والصريح منها ليس بالصحيح. Il dit les hadiths concernant ce sujet ne sont pas yani, évidents à 100% pour comprendre que le sang en grande quantité annule les ablutions. Et s'il y a des hadiths qui sont clairs sur ce sujet, ils sont faibles. Ils ne sont pas authentiques. On ne peut pas les prendre. Donc, les deux avis sont possibles. Et le shir, il choisit une position très louable. Rahimahullah ta'ala, il dit « فَالْأَحْوَطْ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا كَانَ الدَّمْ كَثِيرًا أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ مِنَ الْخِلَافِ pardon. Il dit le shir, mais ce qui est le plus sûr, ou ce qui est le plus sécuritaire, si on peut parler ainsi, c'est qu'on refait les ablutions. Pourquoi? Pour sortir de la divergence. Je ne dis pas que ça annule mes ablutions, mais je refais mes ablutions comme ça, moi, hein, je suis tranquille et je ne suis pas rentré dans la divergence entre les savants. Vous comprenez? Il dit, c'est ça qui est le plus sûr pour le croyant. Il dit, le plus sûr, où il y a plus de sécurité, yani. Amma in kana ad-dam yasiran wa khafifan wa qalilan yu'fa anhu. Mais si le sang est peu, il y a un tout petit peu de sang, ça c'est excusé, c'est pardonné, n'a pas besoin de refaire les ablutions. Et si le shir intaha kalamuhu, il dit shir nubaz, une chose que les savants mentionnent, c'est que les sahaba, il est rapporté qu'ils ont prié et qu'ils étaient blessés, ils avaient des blessures. Le sang coulait. Malgré ceci, ils continuaient leur prière. Qui d'autre, hein, parmi une des histoires les plus connues à ce sujet, qui? Omar. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Lorsqu'il a prié salat al-Fajr, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il guidait les gens. Elias Khabith Abu Lu'lu Al-Majusi qui est venu, hein, c'est cet homme Abu Lu'lu, un jeune garçon qui travaillait pour qui? Pour Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, mais qui était Majus, c'est-à-dire c'était un adorateur du feu. Généralement, il venait de Perse, qui correspond aujourd'hui à l'Iran. Ce jeune homme travaillait pour un compagnon, Al-Mughira ibn Shu'ba. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme, ou ce jeune homme? Il est rentré dans la mosquée avec une épée à deux têtes, à deux lames. Hein, une épée, ici il y a une lame, et ici il y a une lame. Il est rentré, la'natullahi alayhi, et il a poignardé Omar, radiallahu anhu, alors qu'il était en train de prier. Et Omar continua la prière malgré le fait que le sang s'écoulait. radiallahu anhu. Et Omar radiallahu anhu est mort 3 jours après. Il est même mentionné dans certains récits que lorsque Omar, pendant ces 3 jours, il buvait du lait, le lait ressortait de son corps à cause des blessures. Allahu Akbar. Il faut savoir, mes frères, il faut ouvrir les yeux, que la tombe de ce khabith, de Abu Lu'lu', se trouve actuellement en Iran. Et les gens, les chiites, se rendent à la tombe comme pèlerinage pour célébrer cet homme. Pourquoi ? Parce que les chiites, ils rendent mécréant Omar. Les chiites, ils rendent mécréant Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, al-Farouq, le deuxième calife de l'islam, le deuxième meilleur compagnon après Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, ils le rendent mécréant et ils célèbrent son meurtrier. Voilà pourquoi, mes frères, ne vous laissez pas tromper par ces gens-là. Hein, ces gens menteurs, manipulateurs, que sont les chiites, hein, et qui y sont, hein, en Iran, en Irak, au Liban, hein, en Syrie, au Yémen, et qui propagent, hein, leurs fausses croyances, leurs égarements, leurs insultes sur les compagnons, et qui maintenant arrivent, ou depuis quelques années maintenant, en Afrique, et qui propagent leur poison à coups de millions, en construisant des hôpitaux, des écoles, des mosquées. Faites attention à ces gens-là. Hein. Non, c'est, on est tous des musulmans. Hein. Comme certains aujourd'hui qui soutiennent, hein, le Hezbollah, par exemple. Hezbollah, comme on l'appelle. Hezbollah, c'est une organisation chiite. Sache, mon frère, que tu es son premier ennemi en tant que sunni. Nous, en tant que sunnis, en tant que personne qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aime les compagnons et qui les honore, on est leurs premiers ennemis, avant les kuffars. Et regardez les meurtres qui ont lieu. Al-Muhim. Tout ça pour dire que Omar ibn al-Khattab continuait sa prière alors que le sang coulait. Voilà pourquoi, hein, beaucoup de savants ont vu que quoi ? Que le sang n'annule pas les ablutions. Ensuite, troisièmement, le shir mentionne وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمِنْ أَوْ غَيْلِهِ, et la perte de connaissance, que ce soit par le sommeil, ni par le fait de dormir, hein, ou par autre chose. أَمَّا زَوَالُ الْعَقْلِ بِالْجُنُونِ أو بإغماء يعني أغمي عليه فهذا بالاتفاق من نواقض الوضوء. Donc le fait de perdre conscience, que ça soit par la folie, la démence, hein, une personne elle devient folle, yani c'est maladif, on dit maladif, hein, c'est maladif, hein, on appelle ça la démence, elle n'arrive plus à rien saisir. Elle n'est plus dans ce monde. Elle est là, elle mange, elle boit, elle dort, mais elle ne sait plus, ne se connaît pas son nom, elle ne connaît pas sa famille, elle ne sait pas le bien du mal. Cette personne, Annie, elle n'est plus responsable religieusement. Et donc si elle est atteinte de cela, ça annule ses ablutions. Si après elle retrouve cette personne, si elle retrouve la raison, elle doit refaire ses ablutions. Ou alors la personne qui s'évanouit, qui perd connaissance. En français, ils disent qu'il tombe dans les pommes, par exemple. Yanni, le fait de s'évanouir. Lorsque tu te réveilles de cet évanouissement ou de ce malaise, tu dois refaire les ablutions. Ça, selon le consensus des savants. Bilijma. Et je vous rappelle que le consensus des savants, le fait que tous les savants sont d'accord sur une chose, c'est une preuve dans la législation islamique. ولكن النوم هو الذي يوجد الخلاف. Mais concernant le fait de dormir, c'est là où il y a une divergence chez les savants. فالطائفة ترى أن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء. Certains groupes de savants disent que le fait de dormir de façon générale, complète, ou dans toutes les cas de figure, ça annule pas les ablutions. Bien sûr, cet avis, il n'est pas recevable. والطائفة ترى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا. Et un autre groupe de savants qui dit le sommeil, quoi qu'il arrive, il annule les ablutions. Il annule les ablutions. والطائفة تفصل. Et un autre groupe qui eux détaillent. Hein, ils détaillent. فتقول لو كان جالسا وقد ثبت مقعده ونعم على الأرض ثم نام فلا ينقض الوضوء لأنه ثبت مقعده فيستحيل أن يخرج شيء. Ils disent, ce troisième groupe, ils font la différence, ils détaillent. Ils disent, si la personne, elle est fermement assise, elle est bien assise, et elle s'endort, alors ça annule pas les ablutions. Pourquoi ? Parce que le fait qu'elle est assise, hein, comme ça, il n'est pas possible que quelque chose sorte d'elle. Hein, parce qu'elle est en position où elle se retient. Hein, contrairement à quelqu'un qui est allongé, par exemple. Hein, et ça, notamment, hein, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Tayyib. Wa huna aqwalun kathira. Et il y a beaucoup d'avis, ou il y a beaucoup de différents avis sur le sommeil. Wa sawab anna an-nawm yanqud al-wudu sawa an kanat. Et ce qui est authentique, ce qui est juste, c'est que le fait de dormir, ça annule les ablutions, que tu sois couché ou assis. Cependant, c'est ça la différence. Cependant, la différence entre, il y a une différence entre quoi ? Entre le fait de dormir, ou le fait de somnoler. De somnoler en français. النوم هو غشية على القلب لا تشعر بما حولك. Quand tu dors, c'est que ton cœur il est parti. Tu sais pas du tout ce qui se passe autour de toi. Ça y est, tu dors. Il peut se passer quoi. Des gens peuvent parler, des gens peuvent rentrer, sortir. Tu dors, ça y est, t'es parti. Ça annule les ablutions. النعاس, le fait de somnoler, c'est non. T'es là, t'es assis ou t'es couché ou t'es dans n'importe quelle position. Hein, et des fois, on voit les frères dans le cours, hein, ils sont comme ça là. Hein, on les voit. Hein. Mais ils entendent le cours. Hein, ils savent ce qui se passe. Ils les entendent, ça parle. Hein, ils entendent peut-être l'adhan, ils entendent les enfants qui jouent dehors. Ils savent ce qui se passe, mais hein, les yeux fermés et la tête elle baisse comme ça. Hein, ce qu'on appelle la somnolence en français, le nu'as. Hein. Alors ça, hein, ça annule pas les ablutions. قال الرسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العينين وكاء السهر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء والمقصود بالوكاء في زمانهم كانوا أن يحفظوا النقود في قربة صغيرة يربطون رأسها أو فأمها بالخياط أو بالخيط. ها؟ هذا الخيط تسمى وكاء. فيربط ولا يخرج شيء من النقود. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال ويقول الدبور له وكاء وله حارس يحرس. Maya al-aynan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, certes les deux yeux sont al-wika pour la personne. Et on va expliquer c'est quoi wika. Si les deux yeux dorment, alors le wika a été libéré. C'est quoi le wika? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient, hein, on pouvait appeler ça une bourse, hein, pour mettre leur argent. Yani, hein, c'était en cuir comme ça qu'on refermait et on mettait un fil, hein, une petite corde pour fermer. Peut-être jusqu'à aujourd'hui ça existe, hein, pour fermer le haut et l'argent ne sort pas. Et ben ce fil, Hein, ou cette corde, on l'appelle comment en arabe ? Al-wika. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple, a fait une parabole, en disant que les yeux, c'est ce fil-là. Al-wika. Et si tes yeux sont ouverts, tu contrôles ce qui sort de toi. Mais si tes yeux partent, alors le fil hein, qui tient la bourse, il s'est libéré, il s'est ouvert, et là tout peut sortir sans que hein, tu saches. Vous avez vu l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée ? Donc le prophète il a dit Ad-Dubur, hein, le postérieur hein, il a un wika, il a une corde qui le tient et il a un gardien qui le garde. C'est quoi? C'est les deux yeux. Si les deux yeux partent, c'est fini. Si tes deux yeux ça y est tu t'endors, c'est fini hein, et tu perds tes ablutions parce que tu ne sais pas ce qui sort de toi. Fahimtoum, vous avez compris. Et voilà le shir ici mentionne une qissa, une jamila yani. ذكر أبو عبيد القاسم بن السلام رحمه الله تعالى parmi les grands savants des premières générations hein, il mentionne كان يقول كان يقول بقول الشافعي c'est-à-dire لو نمت جالسا لا ينقض الوضوء قال أبو عبيد فذهبت إلى المسجد يوم الجمعة فجلست منتظرا للخطيب وكان بجنبي رجل قاعدا فنام وأحدث وهو نائم فقلت له يا رجل قم فتوضأ فقال لي ما أحدثت ما أحدثت قلت بلى خرج شيء وسمعت ذلك قم فتوضأ فأصر أن ما خرج منه شيء فقال أبو عبيد رجعت من قول الشافعي أبو عبيد ابن قاسم عفوا أبو عبيد قاسم القاسم ابن سلام mentionne qu'un jour il est parti à la mosquée. Et lui, à ce moment-là, il voyait, il pensait et il croyait que l'avis le plus juste dans ce sujet, c'était l'avis de l'imam Shafi'i. C'est-à-dire que si tu es assis, hein, ça annule pas tes ablutions si tu t'endors. Parce que tu es posé, yani, hein, y a rien qui peut sortir. Il part à la mosquée le jour, le vendredi, le Jumu'a. Il attend le khatib, l'imam. Et à côté de lui, il y a un homme. Donc l'homme est assis, il est sur ses positions. Et cet homme, il s'endort. Et Abu Ubaid, il entend quelque chose qui sort de l'homme. Je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. Alors il le réveille. Ya Rajul, Koum, lève-toi, va faire les ablutions. Il dit, t'as perdu tes ablutions. L'homme, il dit, non, j'étais assis, je contrôle. Il dit, il y a quelque chose qui est sorti. Il dit, j'ai entendu. Il n'y a pas de doute. Et l'homme, il ne veut pas avouer. Non, il n'y a rien qui est sorti. Et ça déjà arrivé. Ça, j'en suis sûr que ça a déjà arrivé à certaines personnes. Des fois, il y a quelqu'un à côté de toi, il s'endort. Va faire des ablutions. Non, je ne dormais pas. Mais Achille, tu ronflais. Tu es en train de ronfler. Ou je t'entends, j'ai entendu un bruit qui est sorti de toi. Hein? Alors, il a dit, Abu Ubaid, rahimahullah ta'ala, à partir de ce jour-là, je suis revenu sur mon avis hein, et j'ai délaissé l'avis de Shafi'i. Vous avez compris ? Al-Muhim, pour résumer la situation, hein, le sommeil, le fait de dormir, hein, si c'est un sommeil profond, ça annule les ablutions. Si c'est un sommeil où tu arrives à percevoir ce qui passe autour de toi, tes ablutions sont valides. Wa aklu lahm al-jazur. Quatrième point. Important parce qu'ici, on n'en parle pas beaucoup. Ici, quand je dis ici, au Sénégal, c'est quoi ? Le fait de manger la viande de chameau. Pourquoi on n'en parle pas beaucoup? Parce que comme on va le voir, hein, l'avis de l'imam Malik, et comme vous savez, ici, on est sur le madhab de l'imam Malik, hein, l'avis de l'imam Malik, c'est que, et c'est l'avis de la majorité des savants, que le fait de manger la viande de chameau n'annule pas les ablutions. C'est pour ça que les gens n'en parlent pas. Mais on va voir c'est quoi l'avis le plus juste. Il reste combien de temps? 3 minutes. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت قال قال أتتوضأ من لحم الإبل قال نعم. Il est rapporté dans le Sahih Muslim selon Jabir ibn Samura. Attention, faites la différence entre Jabir ibn Samura et Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, parce que Jabir et Abdullah étaient des sahaba. C'est pas le même Jabir. Et celui qui a le plus de hadith, c'est Jabir ibn Abdillah. Hein? Là, Jabir ibn Samura, il en a moins. Il rapporte qu'un homme est venu voir le prophète, il lui a demandé, Ya Rasulallah, est-ce que je fais les ablutions si je mange la viande de mouton? Il a dit, si tu veux. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Est-ce que je fais les ablutions si je mange la viande de chameau? Il a dit, naam. Il a dit oui. فسئل عن شيئين الظاهر أنهما شيء واحد لكن فرق في الحكم. يعني il a été questionné sur deux choses qui d'apparence sont la même chose, le fait de manger de la viande, hein? Mais le prophète a donné deux jugements différents. Il a donné un jugement, il a dit si tu veux, l'autre il a dit oui fais-le, hein? Donc il y a une différence entre les deux. والعجيب أن الجمهور لا يقول بذلك أحمد هو الذي يقول أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. Ce qui est étonnant, c'est que la majorité des savants des quatre écoles, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, ils disent que ça n'annule pas les ablutions. C'est seulement l'imam Ahmed qui voit que ça annule les ablutions. Mais attention, encore une fois, hein, la vérité ne se trouve pas dans le nombre. C'est pas parce qu'il y a le plus grand nombre qui est sur une parole que c'est forcément ça qui est juste. La vérité se trouve où? Dans les preuves, dans les textes, le Coran et la Sunna. Même si il y a moins de monde qui dit cela. Et pourquoi les Jumhur disent ça? Écoutez. Les Jumhur قالوا هذا الحديث منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ ما هو الناسخ قالوا ما جاء في الحديث المشهور كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسه النار. حديث جابر في أول الإسلام كان إذا أكل شيئا طبخ على النار فيجب عليه أن يعيد الوضوء ثم نسخ هذا الأمر بالكلية فصار إذا أكلت شيئا لا بس أن تترك الوضوء. Non. Le Jumhur, la majorité des savants, ils disent quoi? Ils disent ce hadith, il a été abrogé. Abrogé, c'est-à-dire hein, que au début c'était permis, par exemple, et ensuite Allah a envoyé une preuve ou a envoyé un texte pour l'interdire, ou vice versa. Au début c'était interdit, et ensuite Allah a envoyé un texte pour le permettre. Ils ont dit ça a été abrogé. Tayeb, qu'est-ce qu'il a abrogé? Ils disent, il y a un hadith très connu rapporté par Jabir radiallahu anhu qui mentionne hein, qu'au début de l'islam, tout ce qui était cuit sur le feu, hein, on devait refaire les ablutions, mais ceci après a été délaissé. D'accord? Donc au début de l'islam, toute chose que tu cuisais sur le feu, après cela tu devais refaire les ablutions. Mais ensuite, cet ordre a été abrogé, et à la fin, le dernier jugement de cela est que, quoi que tu manges qui est touché par le feu, tu n'as pas besoin de refaire les ablutions. Donc, eux, le jumour, ils disent la viande de chameau, c'est pareil. Vous comprenez leur avis? Bismillah, adhan, on finit après, Inch'Allah. On fait l'adhan et après, on finit le sujet, Inch'Allah. Naam. Et donc, nous disons que l'avis du Jumhur, l'avis de la majorité des savants, waghayru sahih, il n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'au début de l'islam, tout ce qui était touché par le feu hein, et que tu mangeais impliquait le fait de refaire les ablutions, hein, soit de la viande, du pain, n'importe quoi. Tout ce qui était cuit ou touché par le feu, hein, tu devais refaire les ablutions. Mais après, le hadith est venu en spécifiant spécifiquement la viande de chameau. Pour preuve que dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur deux choses. Sur quoi ? La viande de mouton. Et il a dit, si tu veux. Pourquoi si tu veux ? Parce qu'au début, oui, c'était obligatoire. Mais maintenant, c'est plus obligatoire. Si tu veux, tu fais. Et après, la viande de chameau. Et la viande de chameau, il a dit quoi ? Naam. Il a dit oui. Il n'a pas donné, il n'a pas ouvert la porte. Donc, il l'a spécifié. Hein ? À la tarsis. Fi lahm al-ibil bi'aynihi. Et ceci implique, hein, qu'importe la manière que tu aimes manger la viande de chameau, que ce soit la viande qui est bouillie, la viande qui soit méchouille, qui soit grillée, la viande de chameau au barbecue, à la n'importe, tu manges la viande de chameau, hein, c'est général. Tu dois refaire les ablutions, inshallah ta'ala. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la viande de chameau, mais hein, je vous conseille d'essayer, car c'est une viande très très très bonne, mashallah. Fa jazakum Allahu khairan. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et la semaine prochaine on finira à les annulatifs des ablutions, inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allahu khairan.